Nombre chapitre 16. Or Corée, fils de Jitchar, fils de Kehat, fils de Lévi, fit une entreprise, avec Dathan et Abiram, enfants d'Eliab, et On, fils de Pélet, enfant de Ruban. Et ils s'élevèrent contre Moïse, avec 250 hommes des enfants d'Israël, qui étaient des principaux de l'assemblée, lesquels on appelait pour tenir le conseil, et qui étaient des gens de réputation. Et ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron, et leur dirent, qu'il vous suffise, puisque tous ceux de l'assemblée sont saints, et que l'Éternel est au milieu d'eux, pourquoi vous élevez-vous par-dessus l'assemblée de l'Éternel? Ce que Moïse ayant entendu, il se prosterna le visage contre terre. Et il parla à Corée et à tous ceux qui étaient assemblés avec lui, et leur dit, demain au matin l'Éternel donnera à connaître celui qui lui appartient, et celui qui est le saint, et il le fera approcher de lui, il fera, dis-je, approcher de lui celui qui l'aura choisi. Faites ceci, prenez-vous des encensoirs, que Corée, dis-je, et tous ceux qui sont assemblés avec lui, prennent des encensoirs. Et demain mettez-y du feu, et mettez-y du parfum devant l'Éternel, et l'homme que l'Éternel aura choisi, sera le saint. Enfants de Lévi, qu'il vous suffise. Moïse dit aussi à Corée, écoutez maintenant, enfants de Lévi, est-ce trop peu de choses pour vous, que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui pour être employé au service du pavillon de l'Éternel, et pour assister devant l'assemblée afin de la servir, et qu'il t'ait fait approcher, toi, et tous tes frères, les enfants de Lévi, avec toi, que vous recherchiez encore la sacrificature? C'est pourquoi, toi, et tous ceux qui sont assemblés avec toi, vous vous êtes assemblés contre l'Éternel, car qui est Aaron, que vous murmuriez contre lui? Et Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, enfants d'Eliab, qui répondirent, nous n'y monterons point. Est-ce peu de choses que tu nous aies fait monter hors d'un pays découlant de lait et de miel, pour nous faire mourir dans ce désert, que même tu veuilles dominer sur nous? Nous as-tu fait venir en un pays découlant de lait et de miel, et nous as-tu donné quelque héritage de champs ou de vignes? Crèveras-tu les yeux de ces gens-ci? Nous n'y monterons point. Alors Moïse fut fort irrité, et dit à l'Éternel, ne regarde point à leur offrande, je n'ai point pris d'eux un seul âne, et je n'ai point fait de mal à aucun d'eux. Puis Moïse dit à Corée, toi, et tous ceux qui sont assemblés avec toi, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi, dis-je, et ceux-ci, et Aaron aussi, et prenez chacun vos encensoirs, et mettez-y du parfum, et que chacun présente devant l'Éternel son encensoir, qui seront 250 encensoirs, et toi, et Aaron aussi, chacun avec son encensoir. Ils prirent donc chacun son encensoir, et ils mirent du feu, et ensuite du parfum, et ils se tinrent à l'entrée du tabernacle d'assignation, et Moïse et Aaron s'y tinrent aussi. Et Corée fit assembler contre eux toute l'assemblée, à l'entrée du tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Puis l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, en disant, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un moment. Mais ils se prosternèrent le visage contre terre, et dirent, ô Dieu fort, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme aura péché, et te mettras-tu en colère contre toute l'assemblée? Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, parle à l'assemblée, et lui dit, retirez-vous d'auprès des pavillons de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse donc se leva et s'en alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Et il parla à l'assemblée, en disant, retirez-vous, je vous prie, d'auprès des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne soyez consumés pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent donc d'auprès des pavillons de Corée, de Dathan et d'Abiram. Et Dathan et Abiram sortirent, et se tinrent debout à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs enfants et leurs familles. Et Moïse dit, vous connaîtrez à ceci que l'Éternel, m'a envoyé pour faire toutes ces choses-là, et que je n'ai rien fait de moi-même. Si cela meurt comme tous les hommes meurent, et s'ils sont punis de la punition de tous les hommes, l'Éternel ne m'a point envoyé. Mais si l'Éternel crée un cas tout nouveau, et que la terre ouvre sa bouche, et les engloutisse avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent tout vifs dans le gouffre, alors vous saurez que ces hommes-là, ont irrité par mépris l'Éternel. Et il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé de dire toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. et la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit avec leurs tentes, et tous les hommes qui étaient à Corée, et tous leurs biens. Ils descendirent donc tous vivants dans le gouffre, eux et tous ceux qui étaient à eux, et la terre les couvrit, et ils périrent au milieu de l'assemblée. Et tout Israël, qui était autour d'eux, s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, « Prenons garde que la terre ne nous engloutisse. » Et le feu sortit de part de l'Éternel, et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Puis l'Éternel parla à Moïse, en disant, « Dis à Éléazar, fils d'Aaron, sacrificateur, qu'il relève les encensoirs du milieu de l'incendie, et qu'on en épande le feu au loin, car ils sont sanctifiés, savoir, les encensoirs de ceux qui ont péché sur leurs âmes, et qu'on en fasse des plaques larges pour couvrir l'autel, puisqu'ils les ont offerts devant l'Éternel, ils seront sanctifiés, et ils seront pour signes aux enfants d'Israël. » Ainsi Éléazar, sacrificateur, prit les encensoirs d'airain, que ces hommes qui furent brûlés avaient présentés, et on en fit des plaques pour couvrir l'autel. C'est un mémorial pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger qui n'est pas de la race d'Aaron, ne s'approche point pour faire le parfum en la présence de l'Éternel, et qu'il ne soit comme Corée et comme ceux qui ont été assemblés avec lui, ainsi que l'Éternel en a parlé par le moyen de Moïse. Or, dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron, en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Et il arriva comme l'assemblée s'amassait contre Moïse et contre Aaron, qu'ils regardèrent vers le tabernacle d'assignation, et voici la nuée le couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse donc, et Aaron, vinrent devant le tabernacle d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, « Ôtez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un moment. » Alors ils se prosternèrent le visage contre terre. Puis Moïse dit à Aaron, « Prends l'encensoir, et mets-y du feu de dessus l'autel, mets-y aussi du parfum, et va promptement à l'assemblée, et fais propitiation pour eux, car une grande colère est partie de devant l'Éternel, la plaie est commencée. » Et Aaron prit l'encensoir, comme Moïse lui avait dit, et il courut au milieu de l'assemblée, et voici, la plaie avait déjà commencé sur le peuple. Alors il mit du parfum, et fit propitiation pour le peuple. Et comme il se tenait entre les morts et le vivant, la plaie fut arrêtée. Et il y en eut 14 700 qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts pour le fait de Corée. Et Aaron retourna vers Moïse, à l'entrée du tabernacle d'assignation, après que la plaie fut arrêtée.